L'été passé, vos doigts croisés, l'appel au cœur ont dû se séparer vers d'autres rives. Ils devaient s'en aller, mais présente est l'absence, mais